À la fin, le héros meurt. Allez, prenez ça. Oh, je fais une pause et je sauvegarde. Ça peut attendre 5 minutes? Police, ouvrez la porte, vous êtes en état d'arrestation. Je peux vraiment pas terminer mon assaut, là? Si vous n'ouvrez pas, on va enfoncer la porte. Voilà qui est ennuyeux. Eh bien, prouvez-le. Voilà qui est vraiment, vraiment ennuyeux. Ça devient même presque embêtant. Vous avez un mandat? On s'en bat les reins de ton mandat. C'est donc un mandarin. Je pense que je suis contrarié maintenant. À peine Patrick avait prononcé cette phrase que la porte se transforma en poulet. Enfin, les policiers entrèrent, quoi. Deus ex machina! Le narrateur précise que si le héros se fait arrêter, l'histoire se termine trop rapidement, alors on va faire un flashback. Si vous n'ouvrez pas, on va enfoncer la porte! Oh mon dieu! Je vais m'enfuir par la fenêtre! Concrètement, bruitage. Hop là. Deux. Hop là, aïe! Alors on va faire un petit bruitage pour ouvrir la fenêtre et sauter. Ouais, les bruitages maison c'est cool, mais c'est-à-dire que ça fait au moins 10 mètres, j'ai pas trop envie de sauter. Donc du coup on fait quoi pour le bruitage? Non, parce que là, concrètement, bah, j'ai peur que ça s'arrête rapidement le mono, quoi. En plus il y a des voitures qui passent, transition. Tiens, la voiture du commissaire Panier. Il semblerait qu'il ait oublié les clés sur le contact. Et aucun policier n'est présent. Profitons de cette négligence de Panier. Je suis le narrateur, et je me permets de te poser cette question. Pourquoi est-ce que les canards ont des palmes? Bonne question. Je prends la pilule bleue. Pardon, je voulais dire, pourquoi tu t'enfuis des policiers alors que tu n'as rien à te reprocher? Parce qu'on est dans une fiction, donc je dois m'enfuir. Oui, mais là c'est une fiction réaliste, donc tu dois te rendre. Mais alors pourquoi avoir fait un retour en arrière quand les policiers sont entrés? Parce que même si c'est réaliste, ça reste une fiction. Donc je me rends. Oui. Transition. Alors, avouez que vous êtes coupable. Non, je ne suis pas un légume. Oh merde, vous êtes trop vite personne. Relâchez-le. Merci pour votre bienveillante coopération. Pourquoi? Je ne t'ai pas encore passé la clé. Oh, excusez-moi. Donne la clé. Non, aïe. Donne la clé. Non, aïe. Donne la clé. Tiens, la voilà. Merci. Transition. À peine Patrick sort du commissariat que des policiers le prennent en chasse. Et là, narrateur, dois-je m'enfuir ou me faire arrêter? On était trop réaliste pour le moment, alors partons dans la fiction. D'accord, je m'enfuis donc chez mon ami Arthur. Oh, qui êtes-vous? Monsieur Accro, veuillez vous arrêter. Non, je m'enfuis chez mon ami. Ce n'est pas possible, nous sommes dans la matrice. Si, c'est possible, car j'ai la carte Kiwi. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans. Et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes. Paye tout, moitié prix. Un enfant, une carte Kiwi, et on voyage à moitié prix. Grâce à cette carte, Patrick arrive à s'enfuir et aller chez son ami Arthur de Pise. Au fait, narrateur, on a la même voix, donc comment on va nous différencier? En fonction de ce que l'on raconte. Certes. Pourquoi tu as dit certes? Pour développer mes idées. Je vois, une dissonance cognitive. Mon dieu, je suis dans le guano, Arthur, aide-moi. Je le sais, tu es suspecté d'être un stockeur de drogue. Quoi? Mais qu'est-ce que... En tant qu'ancien policier à la retraite, j'ai pu avoir accès aux enregistrements vidéo de la ville. C'est génial, et donc? Prenons cet extrait de vidéo lorsqu'on avait pris le bus. Et hop, bon, Non, ah, attends deux secondes. Où est-ce que j'ai mis ma carte? Patrick, dépêche-toi. Oh merde, non, dépêche-toi. Bravo, j'ai raté encore le mandat. Maintenant, t'as l'air de Et voilà, j'ai l'air d'un abruti maintenant. C'est ça, moquez-vous de moi. Le moment où tout le monde s'est foutu de ma gueule? Ah bah merci de m'avoir rappelé ça. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Regarde, si on zoome le spectre audio à ce moment-là, on discerne ce type qui prononce une phrase suspecte. Je crois avoir entendu quelque chose, mais on comprend toujours rien. Attends, je vais isoler le son de cette personne. Tout se déroule comme prévu. Là oui, effectivement, là c'est suspect. Hein. Et comment tu fais pour isoler aussi bien? Et encore, là c'est pas encore suffisant. Tu te souviens de la soirée fondue? À la fin, il y avait deux types louches. Mais écoutons ça. Vraiment trop bien cette soirée fondue. Mais Patrick, ça va? Oula, non, je crois que j'en ai trop pris là. Oh. Ouais, tu devrais peut-être arrêter là. Je vais isoler là, t'inquiète pas, j'isole. Mais alors, vous avez fait ce que je vous avais demandé? Oui, nous avons caché la drogue dans l'appartement de cette personne. Mais c'est un complot mafieux! Oui, il semblerait. Tiens, qui ça pourrait bien être? Madame de Pic? J'ai la tête d'une madame. Je suis bien chez la femme de Monsieur Stanislas de Pic. Non, vous n'êtes pas chez lui, vous êtes chez son locataire. Mais vous êtes qui, vous, là? Voilà, assassin. Je bosse au pont funèbre. On a récupéré un macabre sur la route, et comme ce n'est pas le jour des déchets ménagers, je voudrais savoir s'il était à vous, donc si vous pouviez le récupérer. Un macabre? Oui. Et il est mort? Oui. Enfin, je pense plutôt qu'il est égyptien. Je ne suis pas intéressé. Ah, vraiment? Bon, bah merci quand même. Encore du démarchage. Oh, bon sang! Oui, bonjour. Bien le bonjour, je vends des mallettes pouvant transporter jusqu'à 100 étuis. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, 100 étuis de 120 sachets, une offre incroyable. C'est vrai que c'est sympa, je vais prendre le numéro au cas où. Des étuis pour sachets? Oui, ils font la mallette maintenant, c'est chouette, non? Tu te fais trop influencer, je trouve. Tiens, laisse-moi faire. Bonjour, seriez-vous intéressé par des chaussures portatives? Non. Et est-ce que vous auriez? Non. Et? Non. Non. Non, non, non, non, non. J'ai horreur de la violence, ça me rend... pacifique. Si fic ou non, je suis pas convaincu par ta méthode, là. Oh, mais y'en a marre au canard, maintenant. Oui. Oui, bonjour, police nationale, nous sommes venus pour vous arrêter. Vous pouvez attendre un peu, on n'a pas fini. Donc combien de temps? Quelques secondes, je pense. D'accord, on vous attend, vous nous appelez quand vous serez prêts. Très bien, à tout de suite. Arthur, je vais paniquer. Concrètement, avec ces indices, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, pas grand-chose, ça ne suffira pas à convaincre les policiers. Il faut trouver une autre solution. Je vois, il y a les policiers à la porte. Il faut que je m'enfuis par la fenêtre. Mais merde, la fenêtre ne répond plus. Alors qu'est-ce que je vais faire, Arthur? Ferme le programme et envoie un rapport à Windows. Et passe par la fenêtre de mon appartement maintenant. Les volets sont fermés, dépêche-toi. Ok. Ah, c'est bon, vous avez fini? Oui, je vais m'enfuir. D'accord. Police, on vient vous arrêter! Jamais! Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais quelle action! Je vais vous narrer ça! Donc, Patrick s'élance, tête baissée sur les 6 policiers qui bloquent l'entrée, pour enchaîner sur un triple saut piqué avec réception sur l'œil gauche! Le jury semble apprécier cette prise de risque, ce qui lui permet de passer derrière les policiers! C'est tout simplement extraordinaire! Et revoyons ça au magnétoscope, Thierry. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Laissez-moi passer! Et maintenant, retour à la réalité. Ah, non! Patrick, il est trop tard pour moi! Enfuis-toi! Vol, pauvre fou! Alors, si on peut se permettre, dépêche-toi, sinon on va t'arrêter, effectivement. Ouais, vous avez raison. Narrateur, transition! Finalement, Patrick, toujours en pyjama, marche sur des rails de train pour rejoindre la ville voisine lorsque soudain... Tiens, un train. Bon, je vais le laisser passer. Fiction, tu dois courir sur le rail. Non, mais pourquoi je dois courir sur le rail? Ah là là là, c'est la fiction, tu dois courir dans les sens du rail. Mais je pourrais m'écarter pour l'éviter. On a des fictions. Oh, mais quand est-ce qu'on passe en réaliste? Fiction. Réaliste bientôt. Fiction. Là, ça va être non, short. Pas encore. Ça va être short. Fiction. Oh merde. Trop tard. Oh, où suis-je? Au paradis? Patrick, tu ne dois pas mourir avant la fin de l'épisode, enfin! Comment veux-tu que ça marche si le héros meurt avant la fin de l'épisode? Qui me parle? Je suis le destin suprême de l'univers des Mini-Endil. Et par mon immense pouvoir, que cette histoire reprenne quelques secondes avant ce passage. Et hop! Fiction. Oh merde. Trop tard. Oui, je peux concevoir que je t'ai peut-être amené à la vie un peu trop tard. Du coup, je vais recommencer un peu plus tôt. Allez, hop. Pas encore. Réaliste. Ah, c'était chaud! Tout est noir! Je suis aveugle! Mais arrête de regarder par terre! Oh, pardon! Mais au fait, pourquoi est-ce que tu vas à l'autre ville? Tu as quelque chose de spécial à y faire ou un truc comme ça? Non. Par contre, du coup, hein, vu qu'on va avoir un petit peu de dialogue entre nous, les auditeurs ils vont rien comprendre vu qu'on garde la même voix. Donc on va modifier un petit peu la tienne. Hein, vu que tu m'as fait un petit coup là, je suis mort deux fois à cause de toi. Tu vas être un mec machiavélique. Voilà, un mec machiavélique. Voilà. D'accord, si tu veux. Mais du coup, puisque tu ne sais pas où est-ce que tu veux aller, je propose qu'on fasse l'appel à un Johnny. Pourquoi? Mais parce que je n'ai plus d'idées, donc on va lui en demander des idées. Je crois que ça sert à rien, il a quitté son île il y a bien longtemps. Sinon, on peut faire un spin-off avec des aliens issus de la Terre elle-même, parce qu'en réalité, notre Terre n'est pas la Terre, nous ne sommes pas sur notre planète. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Alors pourquoi? Plutôt, explique-moi, pourquoi est-ce que ce lama saxophoniste rose à pois violet dans cette ruelle me dévisage? Mais il n'y a pas de ruelle par ici. C'est exact, j'ai donc dû halluciner. Le désert auvergnat est chaud et j'ai perdu la raison. En effet. Narrateur, j'ai un aveu à te faire. Je t'écoute, mon fils. Justement, j'ai un fils, Rémi. Je l'ai abandonné. Il a une malédiction. Il ne peut pas avoir de contact qu'un court moment avec des personnes avant que ce dernier ne meure. Il ne peut rencontrer qu'un seul type d'animal différent. Oui, parce que quand je parlais des personnes, c'était des animaux. Non, c'est embêtant, oui. Bah ouais, surtout que nous, les humains, nous sommes des animaux. Du coup, je suis mort plusieurs fois pendant sa jeunesse. C'est pour ça que je l'ai abandonné. Ah oui, c'est fou, mais donc comment tu as fait pour l'abandonner? Bah, facile. J'ai fait le coup du gâteau. Le coup du gâteau? C'est combien? 5 euros? Non, je parle du coup de la technique et non le coup de la girafe. Ouh, j'ai cru que tu parlais du cours de tennis. Je disais donc, la technique du gâteau. Qu'est-ce à dire? En préambule, il faut se situer à Paris et partir en train sur les 17 premiers kilomètres en faisant une escale à Toronto pour prendre l'avion vers Nice, pour ensuite passer la frontière auvergnate en autocar, pour finir sur la pointe du Raz, non loin de Brest, et ça fait un Paris-Brest, d'où le coup du gâteau. Au fait, à quoi ça sert que l'on parle de ça? Aucune idée, sûrement pour combler le blanc. Tu es raciste, on pourrait combler le noir. Excellente idée. On peut faire un compromis et remplir Michael Jackson. Oui, mais on va éviter, car lui, il est méchant, vraiment super méchant. T'as pas un peu vu sa tête alors qu'il a la braquette ouverte, méchant? Oh, mais c'est pour ça qu'on déconseille fortement les créateurs de sa MP3 de chanter. Ouais. Mais au fait, narrateur, quels sont l'étendue de tes pouvoirs? Eh bien, je suis omniscient, omnipotent et omni... ça veut dire quoi déjà omni? Omni est un préfixe venant du latin signifiant tout comme dans omnivore ou omnibus. Je suis donc omnibus également. Omnibus? Oui, un omnibus, c'est un véhicule à traction hippomobile, inspiré de diligence et assurant un service de transport public. Tu es un omnibus? Eh bien oui! Par contre, du coup, maintenant, je vais reprendre ma voix normale parce que il va y avoir d'autres personnes qui vont apparaître. Vu que je suis omniscient, hein, tu vas recevoir un coup de fil. Oui, allô? Ouais, salut, c'est Phil. Dis-moi, t'es en train de faire une saga MP3? Bah, ouais. Eh bien, il faut que t'arrêtes les sagas MP3. D'accord. Allez, salut! Et maintenant, tu vas recevoir un coup de soleil. Oh putain, fais chier. Allez, je te rassure, tu vas recevoir un appel d'Arthur maintenant. Ah, encore. Allez, salut Arthur. Ouais, salut Patrick. C'est Arthur, comme tu le sais. Là, les policiers viennent de me relâcher. Je leur ai fourni les preuves et visiblement, ça devrait être bon. Donc tu peux venir et... Mais qui êtes-vous? Non. Monsieur Accro. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous avez fait à mon ami? Écoutez, monsieur Accro. Nous sommes dans la matrice. Arthur n'est qu'un programme, donc je l'ai juste éteint. Veuillez vous rendre sur le champ afin que nous puissions tranquillement vous euthanasier. Jamais vous me ferez sortir la tête de mon micro-ondes. Jamais, vous m'entendez? Je préfère m'enfuir. Vous avez fait votre choix, monsieur Accro. Maintenant, vous allez en subir les conséquences. Adieu. Narrateur, transition. Je vais aller sauver mon ami. Non. Comment ça, non? Tu ne vas quand même pas me laisser! Monsieur Accro, je pense qu'il est temps que je révèle réellement qui je suis. Non. Non! Non, ce n'est pas possible! Transition. Quoi? Mais où suis-je? Tout est noir. Destin suprême de l'univers, c'est ça? Non. Monsieur Accro, c'est bien pire. Vous êtes dans le vide. Regardez votre bras droit. Mon bras droit. Monsieur Accro, vous avez défié votre destin et vous avez décidé de vous lever contre lui. Il faut savoir que certaines autorités ont un pouvoir contre lequel il ne faut se lever. Parfois, rester à sa place est le bon choix. Vous avez fait le mauvais, vous en subissez les conséquences. Dans la vie, il faut savoir faire confiance à certaines personnes, pas à toutes. Entre autres, il faut se méfier de ses proches, car si leurs mauvaises intentions apparaissent, la douleur n'en sera que plus grande. Maintenant, avec un bras et une jambe en moins, je pense que vous avez compris où se situe votre place. Je pourrais te laisser agoniser pendant l'éternité dans cette instance, mais je vais te faire grâce d'un cadeau pour les bons moments passés à tes côtés. Je te renvoie sur Terre, enfin... sur mer. Bon courage. Thank you. Tiens, encore une âme égarée dont je vais devoir m'occuper.